إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إن وجود الولد للعبد نعمة من الله عليه. يقول الله جل وعلا حاكيا عن زكريا عليه السلام، قال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال الله عز وجل: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. وقال تعالى عنه في ثنائه على إبراهيم عليه السلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وقال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. أيها المسلمون، فالولد نعمة من الله عليك، فهو امتداد لحياتك، حياة لك بعد موتك. هذا الولد حياة لك أخرى دائما تذكر به، حياتك بعدك بالذكر الحسن والثناء الطيب. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. Sachez, chers serviteurs d'Allah, que les enfants qu'Allah Azzawajal t'accorde sont un bienfait immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'offre. Allah Azzawajal a dit en parlant de Zakariya alayhi salam, et Zakariya, quand il implora son Seigneur: ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Et Allah Azzawajal a exaucé son invocation et a répondu à Zakariya alayhi salam: nous l'exaucâmes, lui donnâmes Yahya et guérîmes son épouse. Et Allah Azza wa Jalla a dit, en faisant l'éloge d'Ibrahim alayhi salam: et nous lui donnâmes Ishaq et de surcroît Yaqub, desquels nous fîmes des vertueux. Et Allah Azza wa Jalla dit également: les biens et les enfants sont la beauté de cette vie d'ici-bas. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala: à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles et don de garçons à qui il veut, subhanahu wa ta'ala, ou bien il donne à la fois garçons et filles. L'enfant est donc un bienfait d'Allah azza wa jalla sur toi. Et ton enfant est la continuité de ton existence. car cet enfant va vivre après toi, il fait partie de toi, et c'est grâce à cet enfant que l'on parlera encore de toi après ta mort, et que les gens diront les bienfaits et feront tes éloges. أيها المسلم والله عز وجل قد بين لنا حقوق الأولاد علينا بين لنا حقوق الأولاد علينا وأن للأولاد حقا علينا واجبا لا بد منه ولا بد من أدائه فإن نعمة الولد تحتاج إلى شكر الله وكيف تشكر الله على نعمة الولد شكرك لله القيام بحقوق هذه الأولاد على الوجه المرضي قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يخاطب الله عباده المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم أيها المؤمنون بطاعتكم لله بقيامكم بما أوجب الله ببعدكم عما حرم الله عليكم وقوا كذلك أهليكم نارا بأن تأمروهم بالخير وتحثوهم عليه وتنهونهم عن الشر وترغبوهم أو ترغبوهم في تركه وربوهم أيضا التربية الصالحة التي يظهر أثرها عليهم بتوفيق من الله سبحانه. Et Allah عز وجل nous a explicité les droits de nos enfants sur nous et les devoirs que l'on doit et que l'on a envers nos enfants. Allah عز وجل nous a explicité ça. Et comme je l'ai dit, les enfants sont un bien immense qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde. Et tout bienfait d'Allah doit être remercié. Comment remercier ce bienfait des enfants? Eh bien, il faut le remercier en donnant à ses enfants les droits qu'ils ont. Et en faisant et en accomplissant nos devoirs, ou notre devoir vis-à-vis de nos enfants. Allah Azza wa Jalla a dit, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont les combustibles seront les gens et les pierres. Allah Azza wa Jalla s'adresse à ceux qui ont cru. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles du feu de l'enfer. Préservez vos personnes en obéissant à Allah et en faisant ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de faire, et en s'éloignant des interdits d'Allah, et préservez vos familles du feu, en leur ordonnant le bien, en leur interdisant le mal, en les encourageant à faire les bonnes actions, et en faisant en sorte qu'ils s'éloignent, et en les encourageant à délaisser le mal et les péchés, et également de les éduquer, de leur offrir une éducation vertueuse, une éducation islamique saine, une éducation qui sera profitable et dont tu profiteras des fruits par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuha al-muslimun, inna ash-shababa fi fatarat takwinihi yamurru bi marahil, kullu marhalatin aham min al-ukhra, ala wa inna min aham tilka al-marahil marhalatu at-tufula, fa hiya as-sinnu alladhi yata'arrafu fihi at-tifl ala مجريات الحياة فيعرف الصحيح ويعرف الخطأ ويعلم الصواب ويتعود على الغلط كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولهذا كانت مرحلة الطفولة من أخطر المراحل ولقد كان سلفنا الصالح يعنون بأبنائهم منذ نعومة أظفارهم يعلمونهم وينشئونهم على الخير ويبعدونهم عن الشر ويختارون لهم المعلمين الصالحين والمربين والحكماء والأتقياء. أيها المسلمون، سيد ولد آدم وأعظم الناس مكانة عليه الصلاة والسلام هو القدوة في كل شيء، ولقد راعى الأطفال واهتم بأمرهم، إلا ألا فليقتدي بذلك الناصحون، ألا فليقتدي بذلك بهذا النبي الكريم المربون. لم يكن عليه الصلاة والسلام يتضجر ولا يغضب منهم إن أخطأوا دلهم من غير تعنيف، وإن أصابوا دعا لهم عليه الصلاة والسلام. Sachez que le jeune musulman, dans son éducation, traverse plusieurs étapes et gravit plusieurs échelons, et chacune de ces étapes est plus, où les étapes sont aussi importantes les unes des autres, mais la plus importante de ces étapes, c'est sans aucun doute l'étape de l'enfance. L'échelon de l'enfance, car c'est à cet âge que l'enfant découvre la vie, c'est à cet âge que l'enfant sait ce qui est bien, sait ce qui est mal, sait ce qui est bon, sait ce qui est mauvais. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout enfant qui naît ou tout nouveau-né naît selon le sens inné qu'Allah azza wa jalla accorde à chaque être humain, voire à chaque créature. Et ce sont ses parents qui font de lui un juif, ou qui font de lui un chrétien, ou qui font de lui un mage. C'est donc l'enfance une étape extrêmement importante. Et nos pieux prédécesseurs accordaient énormément d'importance à cette phase de l'enfant. Et c'est pendant l'enfance que les salafs enseignaient à leurs enfants, qui leur enseignait le bien et les éloignait de tout mal. Et les salafs choisissaient pour leurs enfants les meilleurs professeurs, les meilleurs éducateurs, les plus sages, les plus pieux et les plus vertueux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des personnes, l'exemple ultime et l'exemple parfait dans toute chose, sallallahu alayhi wa sallam, il a donné énormément d'importance aux enfants. Il a donné énormément d'importance aux enfants. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, doit être l'exemple de tous les éducateurs, doit être l'exemple de tous les parents, doit être l'exemple de tous les enseignants et de tous les professeurs. Il ne s'énervait pas sur les enfants, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il faisait une erreur, il la corrigeait sans exprimer de haine. Et lorsqu'il faisait de bonnes choses, le prophète alayhi salatu wassalam les encourageait, les remerciait et invoquait Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Wa ilaykum ayyuha al-muslimun namadij min mu'amalatihi li atfalihi alayhi salatu wassalam. Faqad rawa al-imam Ahmad fi musnadih anna Aba Hurayra radiyallahu anhu qal kunna nusalli ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam al-isha فإذا سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذا رفيقا ووضعهما على الأرض فإذا عاد إلى السجود عاد إلى ظهره حتى قضى صلاته عليه الصلاة والسلام ثم أقعد أحدهما على فخذيه. Et nous allons citer quelques exemples des comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les enfants. L'imam Ahmad, rahimahullah, rapporte dans son musnad, selon Abu Huraira radiyallahu an, qui dit, nous prions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière de l'Isha. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait, Al-Hassan et Al-Hussein, qui étaient les deux petits-enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, montait sur son dos. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam levait sa tête pour se relever de sa prosternation, il mettait sa main derrière son dos, prenait les enfants et les posait sur la terre ou sur le sol, puis se relevait. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait à nouveau, eh bien ses deux petits enfants remontaient encore sur son dos. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait jusqu'à la fin de sa prière. Et lorsqu'il terminait sa prière, il prenait ses petits enfants et les faisait asseoir sur ses cuisses, alayhi salatu wa sallam. وعن أم خالد رضي الله عنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وأنا صغيرة وعلي قميص أصفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة أي حسن حسن قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزبرني أبي أي فزجرني أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. وهذه الكلمات تطلق أو العرب تطلق هذه الكلمات وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب. فعمرت أم خالد بعد ذلك والحديث رواه البخاري في صحيحه. ولما جاءت أم قيس بنت محصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال الطفل على ثوبه عليه الصلاة والسلام فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. وتقول أم الفضل رضي الله عنها بال الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أي أم الفضل قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. فقال عليه الصلاة والسلام إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. وهو حديث صحيح. Et selon Umm Khalid radiallahu anha, elle dit: je suis venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi et mon père, lorsque j'étais petite. Et je portais ce jour-là une robe jaune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sana, sana, c'est-à-dire, c'est bien, autrement dit, ta robe est très belle, ta robe est très belle. Puis elle dit: et je suis monté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je m'amusais avec le sceau de la prophétie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sur son dos. Le prophète alayhi salatu wa sallam avait le sceau de la prophétie, la preuve et la marque que c'est le prophète et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entre ses deux omoplates alayhi salatu wa sallam. Et son père, c'est-à-dire le père de Umm Khalid, a dit à sa fille d'arrêter de faire ce qu'elle fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: abli wa akhliqi, abli wa akhliqi. C'est la dua que l'on fait à celui qui porte des nouveaux vêtements. Et ce sont des phrases ou des mots que les Arabes disent pour demander que la personne qui porte ces vêtements ait une longue vie, qu'elle vive jusqu'à ce que ses vêtements s'usent et qu'elle puisse en mettre d'autres qui s'usent aussi. Autrement dit, c'est une invocation pour que cette personne qui porte des nouveaux vêtements ait une longue existence. Et c'était effectivement le cas de Umm Khalid, qui a vécu longtemps, et ceci par la bénédiction de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Umm Qais bint Mihsan est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son fils qui était petit et qui ne mangeait pas encore. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a pris et l'enfant a uriné sur les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'est pas énervé, n'a pas crié, il a uniquement demandé qu'on lui apporte de l'eau afin qu'il puisse arroser ce vêtement. Et Umm al-Fadl radiallahu anha dit que Al-Hussein, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a uriné sur les cuisses du prophète alayhi salatu wassalam. Et Umm al-Fadl a dit: oh envoyé d'Allah, donne-moi ton vêtement et porte-en un autre afin que je puisse le laver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il suffit d'arroser de l'urine du garçon et de laver, c'est-à-dire le vêtement, de l'urine de la fille. أيها المسلمون لقد كان صلى الله عليه وسلم يلاعب الأطفال ويمشي خلفهم أمام الناس وكان يقبلهم ويضحكهم روى أحمد وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد عن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعينا إلى طعام فإذا الحسين بن علي يلعب في الطريق فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يده ليأخذه فطفق الغلام يفرها هنا ويفرها هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلحقه ويضاحكه حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه ثم أقبل علينا وقال حسين مني وأنا من حسين وجاء الأقرع بن حابس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل الحسن بن علي فقال الأقرع أتقبلون صبيانكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم قط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم أيها الناس ولقد بلغ من عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بأطفاله أن أنقى لهم بابا أن أنقى لهم باله عليه الصلاة والسلام حتى أثناء تأديته للعبادة يقول أبو قتادة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب رضي الله عنهن فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها وكان عليه الصلاة والسلام إذا سمع بكاء الصبي وهو في صلاته تجوز فيها شفقة على أمه متفق عليه. Et le prophète alayhi salatu wassalam s'amusait avec les enfants. Il marchait derrière eux, il les embrassait et les faisait rire. Et l'imam Ahmad ibn Majah, ainsi que l'imam al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad, rapporte selon Ya'la ibn Murrah radiyallahu anhu, qui dit, je suis sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous étions invités à un repas. Et c'est alors que al-Hussein ibn Ali jouait dans le chemin et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors couru et a laissé les gens qui l'accompagnaient et a tendu sa main pour essayer de prendre Al-Hussein et l'enfant tournait à droite à gauche et essayait de s'échapper et ne pas se faire attraper par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam courait derrière lui en essayant de l'attraper et en le faisant rire jusqu'à l'avoir attrapé. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a alors saisi et lui a fait une accolade et a dit à ses compagnons radiyallahu anhum, Hussein fait partie de moi Hussein fait partie de moi et moi je fais partie de Hussein. Et Al-Aqra' ibn Habis radiyallahu anhu est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a vu le prophète alayhi salatu wassalam embrasser Al-Hassan ibn Ali et Al-Aqra a dit embrassez-vous vos enfants, est-ce que vous embrassez vos enfants? Le prophète sallallahu alayhi wasallam a dit oui et Al-Aqra a dit j'ai 10 enfants et je n'ai jamais embrassé l'un d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wasallam a dit man la yarham la yurham, celui qui n'est pas miséricordieux envers les autres, Allah Azza wa Jalla ne sera pas miséricordieux envers lui. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné tellement d'importance aux enfants que cela avait une influence sur son adoration alayhi salatu wa sallam et qu'il faisait ses adorations en conséquence et en prenant en compte l'importance de l'éducation des enfants, Abu Qatada, radiallahu anhu, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié un jour, en portant Umama, la fille de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zainab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la portait alors qu'il priait, et lorsqu'il voulait faire l'inclinaison, il la posait au sol, et lorsqu'il se relevait, il la reprenait sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam entendait le bruit des pleurs des enfants, il accélérait sa prière et raccourcissait sa prière, c'est-à-dire dans le temps et non pas dans le nombre de raka'at, d'unités de prière, mais le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam accélérait sa prière, et ceci par compassion pour la mère de cet enfant. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ذات يوم فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما ثم أكمل خطبته عليه الصلاة والسلام. Et le prophète عليه الصلاة والسلام faisait une fois le discours de la prière du vendredi, et les savants en ont déduit de ce hadith qu'il est autorisé à l'imam de descendre de son minbar et d'interrompre son discours si cela est nécessaire. Le prophète عليه الصلاة والسلام faisait le discours du vendredi un jour, et Al-Hassan et Al-Hussein sont rentrés portant deux tuniques rouges qui marchaient en étant déséquilibrés, qui marchaient comme marchent les enfants qui ont une marche qui n'est pas stable, qui tendent vers la droite, vers la gauche, qui essayent de, tant que possible, de marcher droit et de ne pas tomber. Et le prophète alayhi salatu wassalam est descendu de son minbar, a interrompu son discours, est parti vers ses deux petits-enfants, les a pris et les a posés devant lui alayhi salatu wassalam. Puis il a dit, Allah et son envoyé ont dit vrai, vos biens et vos enfants sont une tentation. J'ai regardé ces deux enfants qui marchaient et qui étaient déstabilisés pendant leur marche, et je n'ai pu patienter, et je n'ai pu me retenir qu'après avoir interrompu mon discours et les avoir mis auprès de moi. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a terminé son discours. Ayyuhal muslimoun, hada rasulullahi sallallahu alayhi sallam, wa hadihi mu'amalatuhu li atfalih, atarawnahu yahmalu ta'limahum, la wa alfu la. Waqad rawa al-Bukhari wa Muslim أن عمر بن أبي سلمة قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصفحة أي في صفحة الأكل فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ولما أراد الحسين أن يأكل تمرة من تمر الصدقة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ أما علمت أنا لا تحل لنا الصدقة رواه البخاري وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. Ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi était son comportement et sa tendresse et sa gentillesse et sa douceur envers les enfants de bas âge. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré cette douceur et malgré cette miséricorde et cette tendresse qu'il avait envers ses enfants, cela l'empêchait-il de les éduquer, de leur ordonner le bien et de leur interdire le mal? Non. Non, cela n'empêchait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam de le faire. Et la preuve est dans le Bukhari et Muslim. Selon Omar ibn Abi Salama qui dit, j'étais un enfant qui a grandi auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, ma main se baladait dans le plat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, ô enfant, ô jeune homme, dis bismillah. Mange de ta main droite et mange ce qu'il y a devant toi. Et lorsque le Hussein, qui était, comme on l'a vu précédemment, le prophète alayhi salatu wassalam, aimait Al-Hussein et a dit Al-Hussein fait partie de moi et moi je fais partie d'Al-Hussein. Mais lorsque le Hussein, radiallahu anhu, a voulu manger une date parmi les dates des aumônes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit cours, autrement dit, ce n'est pas bon. Ne sais-tu pas que les aumônes ne nous sont pas autorisées? Ainsi, les aumônes n'étaient pas autorisées au prophète alayhi salatu wassalam, ainsi qu'aux membres de sa famille. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il rentrait chez lui et qu'il constatait qu'il y avait de la nourriture, il demandait d'où provient cette nourriture. Si il disait que cela provient des aumônes, le prophète alayhi salatu wassalam ne mangeait pas et ordonnait qu'on donne en aumône cette aumône. Et si on lui disait c'est un tel qui te l'a offert, alors le prophète alayhi salatu wassalam ne se privait pas de manger. Et le prophète alayhi salatu wassalam demandait aussi la protection d'Allah contre tout mal qui pourrait toucher Al-Hassan et Al-Hussein. Il disait alayhi salatu wassalam, je demande la protection pour vous deux par les paroles d'Allah complètes. Je demande la protection pour vous deux par les paroles d'Allah complètes contre tout diable wa ham et contre toute bête qui peut administrer un poison mortel et contre tout mauvais œil. Ayyuha al-muslimoun. أيها المسلم والمسلمة أولادك بنين وبنات أمانة في عنقك والله سائل كل عما استرعاه فيقول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته راع على أولاده والله سائله عن رعيته سيكون أبناؤك وبناتك خصماء لك أمام الله يوم القيامة سيخاصمك الأبناء والبنات بين يدي الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم عن تقصيرك وعن إساءتك وعن إهمالك وعن تضييعك وعن عدم مبالاتك فاتق الله وارجع إلى دين الله وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تفوت الأوان. Sachez donc, chers musulmans et chères musulmanes, que les enfants, filles et garçons qui sont devant toi et qu'Allah Azza wa Jalla t'a accordé sont un dépôt qui est suspendu sur tes épaules, et Allah Azza wa Jalla questionnera tout responsable sur les choses ou sur les personnes qu'il avait à sa charge. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau. L'homme est le berger dans sa famille ou dans sa maison et il est responsable de son troupeau. Allah Azza wa Jal te questionnera donc sur toutes ces personnes qui sont à ta charge et tes enfants n'hésiteront pas à te disputer et n'hésiteront pas à polémiquer avec toi et à te faire des reproches devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Tes enfants te reprocheront et débattront avec toi et se plaindront auprès d'Allah de toi dans ce jour immense. Ils se plaindront des manquements que tu as fait à leur égard. Ils se plaindront du mauvais comportement que tu avais. Ils se plaindront du délaissement que tu as fait à tes enfants. Ils se plaindront également du manque de responsabilité que tu as fait et le fait que tu ne donnais pas d'importance à tes enfants. Crains donc Allah Azza wa Jal et reviens sur son chemin et suis la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il ne soit trop tard, le jour où ni les biens ni les enfants ne profiteront à l'être humain sauf à celui qui rencontrera Allah Azza wa Jal en ayant un cœur saint. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أعنا على تربية أولادنا اللهم أعنا على تربية أولادنا التربية الإسلامية النافعة اللهم احفظ شباب الإسلام اللهم احفظ شباب الإسلام اللهم علمه دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ضالهم اللهم ردهم إلى طريقك ردا جميلا. وأحد الأخوات توفيت أمس في مدينة ليميرو وهي قريبة من أحد إخواننا، فنسأل الله عز وجل أن يتغمضها برحمته وأن يغفر لها ما قدمت وما أخرت. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وتجاوز عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدلها دارا خير من دارها وأهلا خيرا من أهلها. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم اغفر لها وارحمها. اللهم اغفر لنا ولها وأقم الصلاة.